charmé. Toute la semaine tu fais la gueule, tous les week-ends tu es bourré et le tarpé. Ça t'arrange pas la gueule ce soir. Je me saoule la gueule ce soir. Je me roule mon trois feuilles ce soir. J'en ai rien à cirer ce soir. J'irai défoncer. Alors quoi? C'est la semaine, faut travailler. Ça te fait gerber. Toute la semaine tu fais la gueule. Tous les week-ends tu es bourré et le tarpé. Ça t'arrange pas la gueule ce soir. Je me saoule la gueule ce soir. Je me roule mon trois feuilles ce soir. J'en ai rien à cirer ce soir. J'irai défoncer. Alors quoi?